Les nuits de France Culture. Philippe Garbi, Alban Tenaranda, Mathilde Wagman, Hassan Mbechour, Virginie Mourté, nous sommes ensemble jusqu'à 7h du matin. La nuit de la Bilipo. La nuit de la Bilipo, en compagnie pour commencer de Catherine Chauchard et de Mathieu Letourneux, et plus tard dans la nuit de Jean-François Merle, traducteur, écrivain, éditeur chez Omnibus, d'un romancier, entre autres, d'un romancier américain, Ed McBain, l'auteur des chroniques du 87e district. Et encore plus tard en compagnie d'Alice Jacquelin, qui a soutenu récemment sa thèse sur la country, enfin le country noir, c'est-à-dire le roman, le polar noir rural, et de Lucie Amir, dont le sujet de thèse est « Politique des genres noirs contemporains français de 2001 à nos jours ». Alors, lorsque j'aurais signalé les archives, fiction, débat, conférences, docu-fiction de la nuit, ainsi les Maîtres du mystère, l'affaire Le Rouge, d'Émile Gaboriau, les grandes conférences « Le genre policier est-il un genre littéraire ?» par Claude Aveline, les exploits de Nick Carter, La Caverne Rouge, Tribune de Paris, le roman policier traditionnel et le roman policier noir, débat réunissant Marcel Duhamel, Pierre Nord, Arnaud Hogg, Jeanne Monrobert et Simone Signoret. Lorsque j'aurais dit aussi que l'on pourra entendre cette nuit des nouvelles du crime, Petit Agneau de Frederick Brown, présenté par Francis Lacassin, et puis les enquêtes de Sherlock Holmes, le mystère de la chambre close d'Adrian Conan Doyle, non pas de... d'Arthur Conan Doyle, donc de Adrian, c'est le fils, et de John Dixon Carr, lorsque je leur dis que l'on pourra entendre aussi une émission intitulée « Il y a du rififi chez les romanciers », une émission de Robert Sadoul avec Robert Gaillard, Francis Blanche et Auguste Le Breton. Et lorsque j'aurais dit que l'on terminera cette série d'archives par une émission consacrée au cinéma, « Cinéma pour les ondes », qui était consacrée au couteau dans la plaie, eh bien donc lorsque j'aurai signalé tout ça, toutes les archives qui vont nous tenir en haleine toute la nuit, eh bien je n'aurai pas d'inquiétude, les auditeurs auront bien compris qu'il va s'agir de littérature policière, puisque nuit de la Bilipo, il y a. Bonsoir Catherine Chauchard. Bonsoir. Et bonsoir Mathieu Letourneux. Bonsoir. Alors, la Bilipo, tous les amateurs de littérature policière, au pluriel, ne peuvent que louer la création déjà ancienne, enfin combien, 25 ans, de cette très très belle bibliothèque, enfin très étrange, parce que dans un lieu très moderne, finalement, donc il ne faut pas s'attendre à en plein Paris, comme ça, du 5e arrondissement, ce que ce soit un vieux manoir avec un plancher qui craque, des hiboux sur les... etc. Enfin bon, on est dans un lieu moderne, bon. Mais inquiétant quand même. Et lorsqu'ils auront compris, que tous ces auditeurs, que nous serons à la Bilipo, donc au 48-50 rue du Cardinal Lemoine à Paris, dans le 5e arrondissement, et bien donc, tout sera dit quasiment. Non, rien n'est dit. Allez, Catherine Chauchard, vous êtes conservatrice en chef de cette bibliothèque, consacrée donc aux littératures policières, mais il y a aussi de l'espionnage, il y a de la SF, il y a un peu de tout. Ça date de quand, ça, finalement? Alors, c'est à l'origine un fonds spécialisé au sein de la bibliothèque Mouffetard, donc une bibliothèque de près de la ville de Paris. Et le succès de ce fonds a incité nos tutelles à créer une véritable bibliothèque des littératures policières au 48 rue du Cardinal Lemoine, dans un bâtiment neuf qui se libérait. Et donc nous sommes là depuis 25 ans, effectivement. Alors, littérature de près. Tout est dit parce que c'est des... enfin, Mouffetard, oui. Ça a remplacé... Voilà, vous faites un regard très inquiet. Non, non, ce n'est que c'est une littérature, enfin une bibliothèque de consultation. Voilà, consultation, c'est une bibliothèque patrimoniale. C'est une bibliothèque patrimoniale où nous prétendons conserver l'ensemble de la production policière depuis qu'elle existe. Alors, c'est un peu difficile aussi de déterminer date de création des littératures policières. Donc, on est reparti aux littératures criminelles du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Ce souci d'exhaustivité a été rendu possible par l'accord qui a été passé avec la Bibliothèque nationale, qui nous a rendu attributaire d'un exemplaire du dépôt légal jusqu'en décembre 2014. Donc nous étions un pôle d'excellence de la Bibliothèque nationale, nous le sommes toujours, nous sommes un pôle associé, mais à ce titre nous recevions un exemplaire du dépôt légal tant qu'il y a eu deux exemplaires. Aujourd'hui il n'y en a plus qu'un, la Bibliothèque nationale le conserve. Et donc ça a un petit peu modifié nos ambitions, mais nous conservons néanmoins une partie très représentative de la production policière en France, écrite ou traduite en français. Ça veut dire que donc vous avez combien de volumes? Parlons de fiction déjà. Nous avons quelques 120 000 ouvrages de fiction et 12 000 ouvrages documentaires sur les littératures policières. Alors, racontez à qui n'est pas allé dans sa vie, dans cette bibliothèque, ce que l'on y trouve. Donc, puisqu'on n'a pas le droit, on n'arrive pas en disant « Tiens, je voudrais tel roman et je pars avec ». Voilà, oui. Hélas, c'est très frustrant. Mais... Voilà, donc il faut passer effectivement par les fichiers, puisque nos ouvrages sont en réserve. Nous avons donc, je le disais, la production. Alors, la date qui avait été choisie par la Bibliothèque nationale, puisqu'on a eu un transfert de collection de la Bibliothèque de l'Arsenal, donc c'était 1927, la date de création du masque. Et par Albert Pigasse. Voilà, par Albert Pigasse. Et donc, à partir de cette date-là, on a eu quelques 10 000 volumes transférés de l'Arsenal à la Bilipo. Et depuis, nous sommes attributaires, donc nous avons été attributaires d'un exemplaire du dépôt légal. Pour ma part, j'ai consacré beaucoup de nos crédits à l'acquisition de documents plus anciens. 1927, donc des fascicules populaires des années 10, des années 20, des romans criminels, des feuilletons du 19e siècle, des ouvrages qui étaient passés à travers les mailles du dépôt légal. C'est ainsi que j'ai pu acquérir les 32 volumes de Fantomas qui n'avaient jamais été versés au dépôt légal et que la Bibliothèque nationale elle-même a acquis il y a seulement 10 ou 12 ans. Voilà. C'est incroyable. Donc ça. Il y avait Fantomas vraiment des. N'était pas dans la non. bibliothèque. Non, ouais, non. Mathieu Letourneux, là, vous. Vous devez. Alors, vous êtes là parce que vous avez organisé une exposition à la Bilipo, donc. Mais sur Fantomas, là, comment vous expliquez-vous? Oui, mais c'est pas seulement Fantomas. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Bilipo, vous trouvez pour toute une partie de la littérature policière du début du XXe siècle toute une série de romans populaires, de petits fascicules populaires, de tout petits livres, etc. Des pulps. Oui, l'équivalent des pulps, mais parfois même beaucoup plus populaires que les pulps, vraiment des petites brochures misérables, des collections entières de ces brochures que personne ne connaît, qui sont absentes de la Bibliothèque nationale, et vous découvrez un continent gigantesque d'ouvrages policiers, d'ouvrages populaires, de récits criminels, de cette imaginaire de la Belle Époque et de la première moitié du XXe siècle. C'est vraiment, à tous égards, la face cachée de l'imaginaire français, puisque ça parle de crimes et ce sont des livres qu'on a complètement oubliés. Donc, les trésors de la Bilipo, c'est quelque chose dont on ne peut prendre la mesure qu'en fouillant dans les catalogues. Et ce sont des trésors de différentes natures, puisqu'on y trouve aussi des ouvrages de balistique, des ouvrages sur les différents poisons, des ouvrages de criminologie, puisque... Des conseils peut-être pour tuer ? Pas pour tuer, mais une des vocations de la Bilipo, c'est de renseigner aussi les auteurs de romans policiers qui viennent chercher des informations, des dossiers sur des différents cas criminels, etc. C'est un endroit absolument passionnant pour découvrir ce que c'est que le monde du crime sous tous ses aspects. Oui, mais vous n'avez pas répondu. Je n'ai pas répondu sur Fantomas précisément. Réellement, Fantomas n'était pas à la bibliothèque. Oui. Il n'y a pas eu de dépôt légal de... J'ai répondu indirectement. C'est-à-dire que il y a une partie considérable de l'édition populaire qui n'est pas à la Bibliothèque nationale. En particulier dans la partie de la première moitié du XXe siècle. Et pourquoi? C'était un choix? On disait c'est de la sous-littérature, sous Vestre et Alain, et on... Oui, c'est pas... On ne réclamait pas le dépôt légal pour cette production, ce qu'on appelait la littérature de gare. Oui, et puis les éditeurs qui étaient des tout petits éditeurs, pas Fayard, Fayard était un gros éditeur, mais les éditeurs n'avaient que faire de déposer leurs ouvrages. Et donc, il manque toute une partie de cette littérature qui n'intéressait personne et que les éditeurs ne souhaitaient pas pérenniser. Et donc, il manque vraiment quelque chose. L'autre explication, c'est évidemment que ce soit un coup de Fantomas, mais bien ça, sûr. Il est trop tard pour le dire. En tout cas, vous, grâce à vous et à Loïc Artiaga, on peut retrouver l'intégrale de Fantomas en collection bouquin. Absolument, absolument. On a réédité Fantomas, on a fait des jolies découvertes sur les sources des crimes de Fantomas, puisqu'on a retrouvé un certain nombre d'articles de faits divers qui étaient à l'origine des crimes de Fantomas. Alors, Catherine Chouchard, on parlait de la fiction. Alors là, chacun peut trouver, en allant donc à la Bilipo ou en consultant peut-être sur votre site, des romans avec des titres extraordinaires. Enfin, parce qu'il faut varier quand même les titres pour la littérature policière, enfin, pour la littérature non policière également, mais quand on veut attirer l'œil, l'attention, exciter un lecteur potentiel sur un roman policier, un roman criminel, quels sont les mots, les 10-15 mots qu'il faut vraiment, dont il faut vraiment, qu'il faut vraiment avoir en tête? Alors, quand on a dit le crime de, la mort de, l'assassinat de machin, le poison... Oui, ça dépend des époques aussi. Ça dépend des époques. La série noire est quand même remarquable par le choix de ses titres, par l'argot. Ils n'ont aucun rapport avec le sujet, bien sûr. Voilà, fait pas tard aux hier, les Américains ne s'en remettent pas. Enfin, c'est vraiment invraisemblable. Enfin, les trésors d'imagination et de des traducteurs. Aujourd'hui. Non, mais si vous aviez, parce qu'on parle de 1927 pour le masque, mais ça, les titres n'étaient pas ceux de la série noire. Hein, c'était, mais tout ce qui précède, tout ce qui va suivre, et donc, puisqu'on remonte quand même presque au milieu du 19e siècle. Quels sont, vous n'avez pas des stagiaires comme ça à faire travailler sur le sujet, vous prenez tous les 80 000 titres et vous voyez ce qui sort le plus? Mais en fait, ça dépend complètement des époques. Au début, les titres ressemblent à des coupures de presse de faits divers. Au début, vraiment, dans les années 1910, etc. Après, avec... Vous voulez pas me parler du 19e siècle, quand même? Si, je veux bien vous parler du 19e siècle, mais je veux pas. Au 19e siècle, ce sont des titres mélodramatiques. Alors, au tout début, vous avez ce qu'on appelle le mystère urbain. C'est simple, les types sont extrêmement stéréotypés. Après, les mystères de Paris, vous avez les mystères de Londres, de Milan, de Madrid, Marseille. De partout, du monde entier. Ou alors, les drames de Paris qu'on connaît mieux sous le nom de rocambole. Mais en fait, le 19e siècle, donc, c'est ce mystère. Pourquoi le mystère? Parce que c'est social. Donc, le 19e siècle, c'est social et mélodramatique. Donc, ça parle de femmes perdues, et de prostituées et de garçons basculant dans le crime, etc. L'imaginaire est un imaginaire social, les titres sont sociaux. Après, on bascule beaucoup, mais déjà au 19e siècle, mais après on bascule beaucoup dans la manchette de journal, pour attirer le chaland, comme vous le disiez. Donc on fait des titres de faits divers, le crime de tel endroit, le drame de tel endroit, etc. Après, on arrive au whodunit britannique dans l'entre-deux-guerres, et dans les années 20. Et là, vous avez des titres. C'est le cas, oui. Voilà, c'est des histoires cérébrales, et donc on insiste justement sur un cas, sur une énigme, etc. Et puis, comme Catherine le dit, après la Seconde Guerre mondiale, vous avez tous ces titres à jeux de mots. Mais pourquoi est-ce qu'il y a des jeux de mots? Parce qu'en même temps, on veut moderniser les choses, on veut mettre de l'argot, etc. Et puis, Duhamel ne prend pas très au sérieux, malgré tout, cette littérature. Et on est dans un entre-deux. Et donc, c'est une façon d'être ironique par rapport au genre. Et là où je rejoins Catherine, encore, comme toujours, c'est sur le fait que, depuis les années 90, les titres... Alors, il y a encore beaucoup de titres à jeux de mots, c'est la tradition française, hein, et c'est très français comme tradition, mais les titres reviennent beaucoup sur du politique, de l'événement à portée internationale, du cas économique, etc. Parce que, disons, depuis plus tôt, hein, depuis Manchette, depuis les années 80, de façon massive, le roman policier s'est politisé en France. Et donc, on rit moins. On le fait encore dans les années 80, mais à partir des années 90, on rit moins. En même temps, vous avez des contre-exemples comme le poulpe, qui est une gamme de jeux de mots, systématiquement, la petite écuyère à cafeter, etc. L'amour tarde à Dijon. Voilà. J'irai faire Kafka sur vos tombes, etc. Du très bon goût. Alors, vous, Catherine Chauchard, qui voyez-vous arriver dans cette bibliothèque, donc à la Bilipo? Parce que, donc, on ne vient pas chercher un livre on ne vient pas chercher deux, trois romans policiers pour le week-end. On vient... Ce sont des chercheurs? Il y a des chercheurs, Mathieu en est un fier représentant, des chercheurs, des étudiants que nous envoient justement ces professeurs convaincus de l'intérêt des littératures policières, des lycéens aussi bien sûr, des amateurs qui effectivement savent que on va trouver chez nous des titres totalement épuisé, totalement impossible à trouver, même sur les marchés d'anciens dans certains cas. Des scénaristes des professionnels de toutes sortes, des costumiers, des, enfin, je me souviens de Scorsese en voyant un documentaliste pour la reconstitution d'un commissariat dans les années 30 à Paris, parce qu'il est très soucieux d'être fidèle au moindre détail. Donc, ils avaient besoin de ce type de documentation. Donc, on est aussi un centre de ressources pour tous ceux qui, de près de loin, s'intéressent aux littératures policières, qui montent un festival, qui imaginent une émission, qui imagine des rencontres, des festivals, je l'ai peut-être déjà dit. Voilà, donc on a beaucoup de documentation, puisque rien de ce qui se fait autour des littératures policières, a priori, ne nous est étranger. Donc on conserve aussi des coupures de presse, des dossiers de presse, des journaux. Voilà, des journaux, des archives de manifestations, des affiches, les programmes, les critiques qui ont pu accompagner un festival, par exemple. Donc voilà, c'est des sources d'informations pour quantité de professionnels, pour nos collègues bibliothécaires aussi. On a longtemps édité une bibliographie sélective qui était un outil pour tous nos collègues dans les bibliothèques de près de France et de Navarre. On ne désespère pas de reprendre un jour ce travail sous une forme informatisée. Peut-être aussi des éditeurs Des éditeurs, absolument, qui, alors ça longtemps. Trésor, voilà, chez vous. Ça a longtemps été le cas, alors soit pour des rééditions, soit aussi pour consulter des revues spécialisées que nous avons, en particulier anglo-saxonnes, où on peut se rendre compte de l'existence d'auteurs, de tendances qui peuvent inspirer des éditeurs français qui ont envie de les faire traduire. Et puis alors, donc, il y a une tradition à la Bilipo, c'est celle des expositions. Parce que ça, vous avez toujours fait des expositions, on en a parlé ici même dans les Nuits de France Culture. Conservation, communication et mise en valeur des collections, collecte et redistribution de l'information au public, promotion de la littérature policière, c'est là, si j'ai bien lu, la mission de la Bilipo. C'est celle qu'on s'est donnée parce que à l'origine, les collègues qui m'ont précédé avaient une démarche extrêmement militante et je dois dire que j'ai adopté cette position là aussi, c'est qu'il restait beaucoup à faire du côté d'une légitimation des littératures policières, donc ça signifiait le faire connaître cette histoire et la diversité, la richesse du genre à travers des expositions, à travers des rencontres, à travers voilà. Donc mon souci a été effectivement de multiplier les manifestations et de les diversifier. Bien l'histoire de l'édition, on a consacré beaucoup d'expositions aux grandes collections policières, de la série noire, au masque en passant par le fleuve noir, 10-18, Rivage, travaillant aussi sur des grands auteurs ou des auteurs moins connus, donc c'est aussi bien Simenon que Jean Amila, Pierre Véry que Frédéric Dard, en montrant aussi les relations avec d'autres expressions artistiques, donc en invitant des peintres, des photographes, inspirés par les littératures policières ou par l'univers du crime. En tout cas, donc l'exposition qui vient d'ouvrir, et Mathieu Letourneux va nous en parler. Alors quel est le titre de cette exposition ? L'Europe du crime. C'est un titre un peu ambitieux, mais en fait l'exposition, le lieu n'est pas très grand et l'exposition est assez ambitieuse puisqu'il s'agit vraiment de retracer le succès de l'imaginaire criminel dans toute l'Europe depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. Alors c'est un peu démesuré, mais c'était un pari et je pense qu'on l'a assez bien réussi, en toute modestie. L'Europe du crime, c'est l'Europe, j'ai l'impression quand même, c'est l'Europe de la ville. Oui. Pourquoi ? Alors, notre idée, c'est... C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, vous savez. Précisément, notre idée, c'est que l'origine de l'Europe du crime, j'en ai dit un tout petit mot tout à l'heure, c'est le mystère urbain. C'est-à-dire les mystères de Paris de Gensur. Alors on donne d'autres origines, mais nous, notre Paris, c'est cette origine-là. Pourquoi ? Parce que dans l'idée du mystère urbain s'associent tous les éléments qui vont caractériser l'imaginaire criminel. Un, comme vous le dites, la ville moderne, la grande ville, qui va être quand même le cœur de notre imaginaire du crime. Deux, le fait divers criminel. Et dès découvrir la ville moderne, c'est aussi, chez Eugène Sue, c'est dit immédiatement, c'est aussi découvrir des formes de criminalité moderne. La prostitution existait avant, mais on l'a redéfinie autrement, les crimes urbains, toutes les pratiques criminelles modernes, et Eugène Sue, dans Les Mystères de Paris, le dit immédiatement. Et puis le troisième élément qui est absolument capital pour comprendre cet imaginaire criminel, c'est l'imaginaire médiatique. Le récit criminel, c'est cette ambition de représenter aux yeux du lecteur des choses qu'il ne voit pas habituellement. C'est-à-dire ce qu'il y a de monstrueux, d'inquiétant dans notre société. Vous ne voyez que la surface, le détective, lui, va faire surgir ce qui est caché. Or, cette dynamique qui consiste à faire surgir ce qui est caché dans l'expérience immédiate du monde, eh bien, cette dynamique, c'est la dynamique médiatique. Médiatiquement, on peut voir davantage du monde. Et donc, notre hypothèse, c'est que l'invention de la modernité européenne repose sur ces trois aspects, le crime, la ville, la grande ville, et le médiatique. Et le chemin que l'on suit, c'est celui précisément d'un imaginaire médiatique qui va se développer dans toute une série de romans qui vont circuler dans toute l'Europe très rapidement et vont prendre des formes, vont se traduire par des imaginaires cohérents qui vont à chaque fois circuler dans les différents pays et qui vont donc construire notre imaginaire européen. On peut dire en un sens que le roman criminel, c'est peut-être un des endroits où l'imaginaire européen est fondé. C'est paradoxal, mais c'est peut-être autour du crime que beaucoup de traits cohérents de l'imaginaire européen sont construits. Mais ça s'est créé autour de la guerre aussi, et des guerres depuis des siècles et des siècles. Donc finalement, les romans policiers, ce sont des petites guerres urbaines, familiales parfois. Sociales aussi, sociales de manière considérable. La dimension sociale de l'imaginaire criminel est un des traits qui remonte régulièrement et qu'on a peut-être un peu sous-estimé parfois en parlant du roman énigme cérébral, qui finalement est pas si important historiquement dans le roman policier, moins important peut-être si on se replace sur deux siècles, que la question du conflit social, la question des injustices, la question aussi de l'ordre social, de la police, hein, de la mise au pas de la société, et tous ces éléments sont absolument capitaux. Et donc notre idée, c'est que on connaît bien le roman policier français, on connaît pas mal le roman anglais, on connaît très bien le roman américain, mais est-ce qu'on connaît le roman des pays de l'Est? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de la guerre froide? Qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas moi, en Italie et en Espagne au début du XXe siècle, au moment où le cinéma se développe et où il y a peu de cinéma en Espagne par exemple, mais où quand même ils connaissent l'imaginaire cinématographique et donc ils connaissent un peu Fantomas, Zygomar, etc. Qu'est-ce qu'ils en font? Comment se fait-il par exemple qu'un personnage comme Nick Carter, que plus personne ne connaît, qui est un héros de dime novels américains, on va suivre ses aventures tout à l'heure dans les exploits de Nick Carter, la Caverne Rouge. Donc ce personnage qui est un personnage qui existe depuis les années 1880 aux États-Unis, dans des dime novels, c'est-à-dire dans des romans populaires américains, dans des journaux populaires américains, est importé par des Allemands en 1905 et va littéralement submerger l'Europe, mais tous les pays d'Europe, enfin pas tous, mais 80% des pays d'Europe. Donc, les écrivains vont s'approprier le personnage. Là, en l'occurrence, c'est un exploit de Nick Carter qui n'est pas du père de Nick Carter, si tant est qu'il y a un seul père. Déjà, aux États-Unis, il y en avait un paquet. Oui, voilà. Là, c'est Jean Marcillac. C'était diffusé en 1961 sur France 2 régionale. De même que les enquêtes de Sherlock Holmes, donc c'est le fils de Conan Doyle, et c'est avec John Dixon Carr, qui est quand même un des grands écrivains. Oui. Vous devez avoir toute la collection, Catherine Chauchard, des John Dixon Carr. Absolument. Et même beaucoup d'éditions anglaises, curieusement, parce qu'on n'a pas la prétention d'avoir toutes les éditions dans toutes les langues, mais John Dixon Carr est très bien représenté dans sa langue originale. Alors vous, pour préparer cette exposition, parce que vous n'avez pas simplement dit à Mathieu Letourneux, dont le titre est, vous êtes professeur, donc professeur de littérature à l'Université Paris-Nanterre. Voilà. Mais vous travaillez beaucoup avec des jeunes thésards et thésardes qui viennent préparer leur sujet. Alice Jacquelin et Lucie Amir qu'on va rencontrer dans. Alors, ce ne sont pas mes thésardes. Voilà. Ce sont des thésardes, mais ce ne sont pas mes thésardes. Ouais. Beaucoup de choses à nous dire, certainement. Oui. Donc, alors, vous, Catherine Chauchard, vous avez relu quand vous avez eu cette idée avec Mathieu Letourneux, sans doute, de parler de l'Europe du crime. À l'Europe du polar, moi, ça a été aussi... Enfin, c'est du polar ou du crime? C'est du polar. C'est du polar. C'est du polar. Eh bien, je dois dire que c'est des pans entiers d'histoire des littératures policières que je ne connaissais pas. Donc, raison de plus pour demander une exposition sur le sujet. Absolument. Et c'est effectivement très mal connu, très peu étudié en France. La dimension européenne n'existe dans aucun travail abouti hein, aujourd'hui. Donc, voilà, il me semblait que c'était un sujet effectivement intéressant, mais à défricher. Et je pense qu'on ouvre des voies. Il y a assurément dans l'exposition des pistes, mais pas de conclusion définitive sur cette histoire du roman policier en Europe. C'est difficile, oui, hein, c'est vraiment difficile. Et c'est difficile d'avoir des sources aussi. Donc on a la chance d'avoir une sorte de réseau autour de nous. Des fous de littérature policière. Voilà, c'est un programme européen. Ça s'inscrit dans un programme européen. Donc c'est un certain nombre de chercheurs qui sont associés à un projet sur l'identité culturelle européenne, sur la circulation des récits criminels. Et donc, on a pu effectivement s'appuyer sur les connaissances de nos correspondants roumains, hongrois, anglais, enfin voilà. Alors, Montmartre, c'est bien en Europe ? Oui. Bon, alors on peut écouter quelques notes de musique, vous allez reconnaître le film. Touchez pas au Grisby, bien entendu, Jacques Becker. Alors, donc, la nuit de la Bilipo, bibliothèque des littératures policières. Rappelons qu'elle se situe à Paris, dans le 5e arrondissement. Quelle adresse, Catherine Chauchard ? 48-50, rue du Cardinal Lemoine. Bon, vous confirmez, Mathieu Letourneux, vous qui êtes donc le commissaire de l'exposition, l'Europe du polar. Alors, l'Europe du polar, quels sont les pays visités, fantasmés et traduits ? Parce que est-ce que vous avez choisi de parler de livres, de romans, de journaux, de films ? Pas vraiment de films, finalement. Le cinéma est un peu délaissé. Il est à la marge. Il y a des affiches, on montre quand même, parce qu'on ne peut pas penser le roman indépendamment du cinéma au XXe siècle, ça n'est pas possible. Mais à vrai dire, notre perspective, ça n'est pas justement de juxtaposer les pays, ce qui ne serait pas très européen en réalité, si on avait fait une partie sur l'Angleterre, une partie sur la France, une partie, etc. Notre idée, c'est précisément de réfléchir aux circulations. Par exemple, justement, puisqu'on vient de prendre un exemple parlant, on vient d'entendre un exemple parlant, qu'est-ce qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale avec le plan Marshall et l'américanisation du polar dans toute l'Europe ? Comment ça se passe dans les différents pays ? Comment les pays de l'Est, après la rupture Est-Ouest, quand la rupture Est-Ouest est achevée, comment le bloc soviétique va négocier avec ce modèle américain, par exemple. Et donc, c'est des questions comme ça de circulation. Sous le nazisme, qu'est-ce qui se passe alors que triomphe le roman britannique dans toute l'Europe ? Que font les Allemands avec ce roman britannique ? Il y a encore énormément de polars, de crimis en Allemagne, sous le nazisme. Mais comment ça se passe ? Comment ça se passe sous l'occupation en France ou sous le fascisme ? Alors, voilà quelques réponses. Donc. Ah bah des réponses, venez voir l'exposition. Mais ce qu'on essaye de montrer précisément, par exemple, c'est que je répondrai. Ouais. Les résultats sont les choix qui sont faits sont très différents. En Allemagne, on nazifie le polar, on neutralise considérablement le roman policier britannique en fabriquant des récits de la police allemande et donc du régime. Mais il n'y a pas de crime. Il y a des crimes qui viennent souvent d'ennemis de l'extérieur ou de cosmopolites. Bien sûr. Et il y a surtout une police très vaillante. En Italie, c'est plus compliqué. En Italie, paradoxalement, le roman policier italien naît du fascisme qui va, avec des éditeurs comme Mondadori, favoriser, pour lutter contre la trop grande présence des auteurs britanniques, favoriser l'émergence de véritables auteurs de romans policiers. En Giallo, France, c'est ça ? C'est le Giallo ? Le Giallo, bien sûr, les Gialli Mondadori, oui. Mm-hmm. Et en France, eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que sous l'occupation, il y a des gages qui sont donnés à l'occupant par des romans policiers qui mettent en scène le marché noir, ces questions-là, parce que les éditeurs populaires, pour survivre, puisqu'ils ne sont pas prioritaires dans la distribution du papier, sont ceux qui sont parmi ceux qui vont donner des gages à l'occupant allemand régulièrement en publiant soit un auteur allemand, soit un récit qui sert le régime. Catherine Chouchard, vous qui passez votre vie, ou presque quand même, peut-être à la Bilipo, j'ai visité en votre compagnie, j'ai eu ce plaisir, cet honneur, les réserves. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est d'où le plaisir évidemment qu'on a lorsqu'on en visite, mais peut-être pendant les journées du patrimoine à l'automne, comme ça, on pourra peut-être... Ça nous arrive régulièrement. Bon. C'est incroyable. Racontez-nous, parce que alors quand même, la Bilipo, donc il y a l'accueil, il y a les salles pour l'exposition actuelle, il y a l'accueil, il y a une salle de lecture où on peut lire tous les vieux détectives, tous les livres consacrés à absolument tout, que ce soit Agatha Christie, Simenon, Léo Mallet et compagnie, Conan Doyle, mais enfin je dis les plus connus, mais justement l'intérêt c'est de découvrir des auteurs beaucoup moins connus. Et puis donc, on demande un livre, quelqu'un, je ne sais qui, va le chercher dans les réserves, nous le descend, et là, on doit le lire, on peut prendre 3-4 heures, on peut rester des heures et des heures, mais donc ces réserves. Bien, ces réserves contiennent toutes les collections de fiction et aussi les collections de périodiques. Et donc la fiction, c'est la fiction pour adultes depuis, comme je vous le dis, le 19e siècle. Donc se côtoient des ouvrages récents et des publications bien plus anciennes, puisque c'est classé dans l'ordre alphabétique des collections. Bon, ce qui est un choix un petit peu étrange, mais c'est comme ça. Et ça donne effectivement des confrontations assez étonnantes. Et dans certains cas, on a tout de même adopté des logiques évidentes. Pour Fantômas, par exemple, on a toutes les éditions de Fantômas. Mais est-ce que les chercheurs doivent rester au rez-de-chaussée ou ils ont le droit de monter avec non, vous? Non, ils ne montent pas, sauf si, puisque c'est classé par collection, on en profite si quelqu'un travaille sur une collection. S'il travaille sur la série noire, ça va être beaucoup plus simple de l'installer dans les magasins que de descendre 3000 volumes de la série noire. Donc, vous acceptez ça? Vous n'êtes pas jalouse de... Vous n'avez pas envie non, simplement, d'être seule à connaître... Simplement, on veille au confort des lecteurs, puisque nos réserves sont à 17 degrés. Oui. Et puis, il y a des choses un peu bizarres. C'est un petit peu anxiogène, quand même. C'est, comment ça s'appelle? Des compactus. Compactus, j'ai l'impression. Ça pourrait être un lieu criminel, non? Absolument. Je crois que Peter Lovesey, qu'on avait reçu, c'était à l'occasion d'un colloque à la Sorbonne, où nous avions eu le plaisir d'accueillir Donald Westlake. Et il y avait également Peter Lovesey, et qui avait écrit une nouvelle sur Meurtre à la Bilipo, effectivement, dans les compactus. Ça l'avait immédiatement inspiré. Faut expliquer ce que sont les compactus Ce sont des armoires métalliques mobiles. Mobiles, mais... Qui ont une grande capacité de stockage. Bien sûr, mais on peut aussi enfermer quelqu'un et l'écraser en tournant au bon moment. Si on tourne bien. C'était ça la nouvelle? Je crois. Mm-hmm. Je crois que quelqu'un a effectivement été compressé. Chaque bibliothèque a son public. J'imagine que le public de la Bilipo, que vous connaissez bien, que vous devez observer, comme ça, est particulier. Il y a des gens, comment dire, un peu étranges. Non, ça, c'est ce qu'avait cherché à me faire dire. Il y a 25 ans, à l'inauguration, un journaliste de détective qui me dit « Mais vous devez bien avoir des gens qui viennent chercher des vieilles recettes pour empoisonner leur belle-mère, pour... etc. » J'ai dit, alors je m'étais évidemment dit « Surtout pas, ne surtout pas raconter le furtif là qui m'inquiète un peu parce que quand même, ça étonne. » Et effectivement, la semaine suivante, après m'avoir convaincu que détective ne racontait que des choses vraies, qu'après il y avait du rédactionnel qui pouvait un petit peu enjoliver les choses, mais tout était vrai, tout était fondé. Et la semaine suivante, je lis que j'ai des lecteurs très inquiétants qui arrivent avec des lunettes noires, qui s'inquiètent de poison, etc. Autant de choses que je n'avais pas racontées. Donc non, je n'ai pas de lecteurs inquiétants. J'ai des collectionneurs, j'ai des gens, effectivement, qui connaissent mieux que nous nos fonds. Et qui doivent se disputer sur les téléditions. Non, là, il manquait la page 27. Absolument, mais la traduction... et ça rend très modeste. parce qu'on a le sentiment au bout de 25 ans qu'on est devenu expert, qu'on connaît bien, etc. Et je vous assure que voir un spécialiste de Sherlock Holmes, un spécialiste de des fascicules populaires comme Philippe Mello, d'Ed McBain ou de Simenon comme Jean-François Merle, ça rend très modeste. Nous sommes des médiateurs, nous mettons à disposition, nous savons où trouver les choses, nous savons ce qui existe, mais les contenus des 120 000 ouvrages qui sont chez nous m'échappent totalement. Non, mais c'est vrai qu'une visite chez vous, elle est bilipo, alors même sur le site, mais en tout cas dans les réserves, et c'est incroyable. Enfin, c'est un nombre de... Enfin, évidemment, s'il y a 120 000 titres... Et les titres, et puis, bon, une chose que vous avez observée aussi, c'est l'esthétique des couvertures. C'est quand même une iconographie formidable. Vous avez fait des expositions. Qui joue sur le sensationnel et qu'on retrouve dans les affiches de presse, qu'on retrouve dans des affiches de cinéma aussi, du premier cinéma criminel et après aussi. Et puis, effectivement, ces couvertures qui traduisent aussi le goût d'une époque, l'imaginaire d'une époque, autant que les textes mêmes. Est-ce que Mathieu Letourneux, puisque vous avez étudié toute l'Europe du polar, hein, vous avez lu combien de... 7 milliards, c'est ce qui me semblait, dans les langues originales. Est-ce que les auteurs européens aiment que leur roman se passe, leur intrigue se passe en France? Alors, il y a eu une époque où le roman criminel était dominé par l'imaginaire français, dans toute l'Europe. Le 19e siècle est massivement un siècle français du crime. Je dirais quand même que plus on avance dans le 20e siècle, plus le modèle anglo-saxon l'emporte. Britannique et américain dès le début du 20e siècle, hein, et avec à cause de Sherlock Holmes et Nick Carter, et puis de plus en plus, dès les années 30, américain, le modèle est le modèle américain. Et les Français, il faut bien dire, deviennent plus marginaux. Mais il y a quand même des auteurs français influents. Alors j'allais dire français, pas tout à fait français, mais le Belge Simenon est une source pour des auteurs de tous les pays d'Europe considérable, qu'il ne faut pas négliger. Mais il n'est pas français. Edgar Poe n'était pas européen. Non plus, mais voilà. Il a situé quand même au moins une nouvelle à Paris. Oui, oui, oui. Mais alors justement, Edgar Poe est un auteur du 19e siècle. Au 19e siècle, Paris est il faut bien le dire, est le centre du monde. Et alors, avec les mystères urbains, avec les mystères de Paris de Gene Sue, ça devient le crime, c'est Paris. Et la grande ville, c'est Paris. Et puis les choses vont changer, encore une fois, avec Sherlock Holmes, et puis au XXe siècle avec Nick Carter, puis le récit de gangster. Et quelles ont été vos surprises l'un et l'autre pour cette exposition donc qui vient d'ouvrir à la Bilipo au 48-50 rue du Cardinal de Moine à Paris? Aucune surprise. Ah si, au contraire, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que cette approche transversale, chaque fois qu'on se penchait sur quelque chose, on avait l'impression de tirer un fil de découverte, mais inouï. C'est l'impression qu'on a souvent dans des expositions, c'est-à-dire qu'on se dit mais je ne connais rien. C'est formidable, qu'est-ce que j'ai à découvrir, quoi. Mais là, c'est un sentiment de frustration incroyable. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il faut faire un livre sur le sujet. Il y a tellement de choses, tellement de textes qui circulent, qui se transforment, des faux Sherlock Holmes qui rencontrent Nat Pinkerton, des combats de Fantomas contre Sherlock Holmes, des choses incroyables. C'est complètement délire. Et dans tous les pays. Sans compter les enfants, parce qu'il y a sûrement la petite fille de Sherlock Holmes, l'arrière-grand-oncle de... Oui, non. Oui, et c'est pas que ça. C'est de l'imaginaire cinématographique qui se mélange avec de l'imaginaire théâtral. C'est des personnages qui ressurgissent. C'est des questions de... C'est-à-dire que l'univers criminel est dans l'inconscient collectif. Enfin voilà, tout le monde y a droit. Ah oui, et puis les transformations ont une signification politique, sociale, géopolitique. C'est vraiment un des l'approche européenne du roman criminel ou du récit criminel, à mon avis, est une clé de lecture absolument capitale pour comprendre en fait l'importance de cet imaginaire. Alors avec Jean-François Merle, on ira aux États-Unis au cours de la nuit. Il nous parlera d'Ed McBain, donc réédité dans la collection Omnibus. Et puis plus tard dans la nuit avec Alice Jacquelin et Lucie Amir, bon, on parlera aussi d'Europe, de polar, mais aussi des polars ruraux. Et puis, eh bien, les archives, je le dis en début de nuit, eh bien, on va aller du côté d'Émile Gaborio, quand même le créateur du roman policier français. Du roman judiciaire. Les grandes conférences, une conférence donnée par Claude Aveline, l'abonné de la ligne U, enfin, entre autres. Frédéric Belot, son personnage de policier. Les exploits de Nick Carter, un Nick Carter tout à fait français, mais ça se passe aux États-Unis, bien entendu. Donc, une tribune de Paris sur le roman policier traditionnel et le roman policier noir, avec Simone Signoret, entre autres, mais Marcel Duhamel et Pierre Nord. Une nouvelle de Frédéric Brown, donc Petit Agneau, choisi et présenté par Francis Lacassin, et puis des enquêtes de Sherlock Holmes, on l'a dit, et puis, ah oui, une émission très étrange quand même. Il y a du rififi chez les romanciers, c'est un documentaire fiction, écoutez, vous écouterez cela avec Auguste Le Breton. Et puis on terminera donc avec Cinéma pour les ondes, Le couteau dans la plaie. Et la Bilipo, eh bien, donc c'est à Paris, et l'exposition, c'est jusqu'à quand, Catherine Chauchat? Jusqu'au 30 juin. Bon, vous nous redirez tout ça, vous avez toute la nuit pour y songer. On se retrouve en fin de nuit de cette nuit blême et blanche et noire.